Je voulais du rap et voir je t'en fournis. A la base je rappais pour me. Bah les coups du rap game, gros je les baise à tous ces commis. Tu veux savoir c'est comment, je pratique depuis un moment. Tu calcules pas tes potes et à tes putes écris des romans. Tout ce qui part je les baisse gros, rien à foutre que tu baisses gros. Comme que sur ta famille et punique sa mère le reste gros. Kamikaze the best flow, les petits sont pleins de testo. Si tu veux pas que ta sœur glisse, faut que tu l'adresses pour. J'étais au bled, ils m'ont dit flow t'es américaine. On va mettre le feu au game, j'ai blé jerrycan. Ils veulent nous tester, on va les ken. Dealer qui reste cool, on consomme le produit. Ils me font ma dose pour rester cool sur les nerfs. Je pratique du rap nouveau millénaire. Beaucoup parlent dans mon dos, c'est fils de pute mon millénaire. Accroche-toi quand j'accélère, je crois que cette fois c'est l'heure. Je manie flow SLR, on gère la rime, ça receleur. Il paraît que je suis plus le même, paraît que je suis plus déter. Leur flow marche au diesel, nous photos on marche à l'éther. À ceux qui parlent, on va les taire. Les choses, on va les faire. Faut y croire et faire en sorte que tous nos projets prolifèrent. Pour pas beaucoup, ça sort le fer. Oublie ce qui est fait, pense à ce que tu vas faire. Tu seras jugé que sur les faits. Il paraît que t'es dans le game, je t'ai vu, t'es sur la touche. Ramène le rap français pour toi que je lui crache sur la touche. Il lâcherait tout pour une bouffe, il trahirait le sang. Parfois, faut faire la guerre, on récolte la paix par le sang. Y'a pas de place pour la peur, quand on joue pour le beurre. Des blagues, des blancs, des beurres. Poto ne viens pas si t'as peur. Si ta sœur, ta pine ne viens pas chez moi faire le fou. Laisse les faire les voyous, arme à feu pour faire taire les fous. Le monde est fou, on le sait depuis longtemps, c'est pas nouveau. Si ton pote t'a trahi, il pourra le refaire à nouveau. Ouais. Pourtant j'avais mis le bas niveau. Ferme là, tu sens le caniveau. Je vois team pour les gigots. Ne me fais pas la bise, t'es pas mon amigo. Pourtant j'avais mis le bas niveau, le bas niveau. Ferme là, tu sens le caniveau, le caniveau. Je routine pour les gigots, hein. Ne fais pas la bise, t'es pas mon amigo. Ils veulent du rap de qualité, parle de rivalité. J'rentre dans le rap comme une balle, j'mets le feu comme John Hallyday. Seulement les vrais sont validés, ça rap t'as pas idée. Parle pas de solidarité si t'es qu'une pute en vérité. Tu me jalouses au fond du kiff, j'suis prêt à parier. On m'a dit pour faire du bif, faut innover, faut varier. Prendre les rimes, les marier, jusqu'à que ça y est. Maintenant les faux soutiennent alors qu'avant ça riait. J'ai varié, chargé, tu veux tester, la rime est pure. On consomme le produit comme si c'était de la nourriture. Ne fais confiance à personne dans ce monde de pourriture. Si t'es fragile, évite de donner ton cœur. L'amour est dur, gros. Tu peux glisser si tu marches sur la bordure. J'expérimente tous les jours, j'ai la bordure. Les procédures, on les connaît. La balance se reconnaît. Parle sérieux sans déconner. Les coups de pute, on les connaît. Pour faire l'album, on a taffé. Pendant que toi, tu rigolais. Fais confiance qu'à toi-même, qu'à personne va t'épauler. Pour toi, personne va s'y coller. Devant les pistolets, on sait que t'es pistonné. Sale mytho, cesse de mitonner. Tu voulais tester comme une musique. Tu vas dire que c'est pas du rap là. Ne fais pas le mec skip. Tous les jours, t'as des batteries à plat. Dédicace son mec au carpla. Même si t'es plein de blabla. On vit la même, on se comprend, mais pourtant tu n'es pas là. Avant, ça parlait peu, de nos jours, ça parle beaucoup. Avant il fallait peu, de nos jours il en faut beaucoup. Tu veux de la rime, t'inquiète, y'en a encore beaucoup. J'arrive dans le game, même si mettons la corde au cou. Avant ça parlait peu, de nos jours ça parle beaucoup. Avant il fallait peu, de nos jours il en faut beaucoup. Tu veux de la rime, t'inquiète, y'en a encore beaucoup. J'arrive dans le game, même si mettons la corde au cou. Thank you.